Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire « La vie mouvementée » de Giacomo Casanova. C'est quelqu'un qui ne fait pas mal, qui ne fait pas mal aux autres. Parce que le véritable séducteur, c'est-à-dire le Don Juan, le sadique, détruit ses victimes. Les femmes sont éplorées et après elles sont inconsolables, elles vont se suicider, elles sont malheureuses. Et ce n'est pas vrai du tout dans le cas de Casanova. L'écrivaine et professeure de lettres Nicole Deschamps à l'émission Littérature au pluriel en 1973. Impossible de parler de Casanova sans d'abord parler de séduction. Après tout, son nom, comme celui de Don Juan, est devenu au fil du temps synonyme de séducteur. Mais réduire le parcours de Casanova à sa seule dimension amoureuse serait se priver du récit d'innombrables voyages et autres aventures qui font de sa vie un véritable roman. Il a fallu 2 ans et demi pour en arriver au jour d'aujourd'hui où les manuscrits de Casanova entrent à la Bibliothèque nationale de France sous le regard de Voltaire, la statue de Voltaire qui est derrière nous, Voltaire que Casanova a connu et rencontré. C'est une histoire assez singulière. Je me souviens en effet très bien d'un appel en septembre 2007 de l'ambassadeur de France à Berlin, Claude Martin, qui m'a averti qu'un mystérieux émissaire était venu lui annoncer que les manuscrits de Casanova étaient à vendre et que le propriétaire de ces manuscrits, écrits en français comme chacun sait, souhaitait les réserver en priorité à la Bibliothèque nationale de France. C'est avec grand plaisir et bonheur que je remets aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France le manuscrit authentique de l'œuvre de Giacomo Casanova, Histoire de ma vie. C'est en 2010 que la Bibliothèque nationale de France a acheté pour plus de 7 millions d'euros le manuscrit des mémoires de Casanova, mieux connu sous le titre « L'histoire » ou encore « L'histoire de ma vie ». C'est le président de la Bibliothèque nationale de France, Bruno Racine, que vous entendiez d'ailleurs au début de cet extrait, pour replonger dans ses mémoires de Casanova, nous raconter sa vie également. Je reçois Pascal Bastien, qui est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Pascal Bastien, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. S'attaquer, Pascal Bastien, à la vie de Casanova, c'est bien sûr s'attaquer à un mythe. À quoi correspond ce mythe Casanova? Mais sans surprise, le Casanova que nous connaissons, c'est une figure à une seule dimension. C'est sa dimension sexuelle, une sensualité débordante. Et si on cherche Casanova, on le trouve dans une chambre, on le trouve dans un carrosse, dans une gondole, dans un théâtre, dans un coin sombre, avec une ou plusieurs filles. C'est l'image non seulement que les premières éditions de l'Histoire de ma vie ont donnée, mais l'image que le cinéma aussi a perpétuée. Et c'est une figure vraiment qui traverse le temps, tellement d'œuvres. Vous parlez de cinéma, mais beaucoup, beaucoup de films. Il est avec nous, il fait partie de ces marqueurs culturels. Ça, c'est le mythe. Au-delà du mythe, c'est bien autre chose, Casanova. Qui est-il? D'une part, on se rend difficilement compte que dans l'histoire de ma vie, qui fait à peu près 5000 pages, il y a, vous me direz, c'est quand même beaucoup, mais il y a à peu près 1000 pages, donc un cinquième qui se consacre à ses aventures sensuelles et sexuelles. Ouais. Pour le reste, c'est sa vie qui est bien autre chose que celle d'un séducteur. Donc, c'est un esprit turbulent, à coup sûr. L'Italie du 18e siècle, et Venise en particulier, n'aime pas beaucoup les esprits turbulents, et c'est la raison pour laquelle il a dû émigrer à quelques reprises de sa ville natale et de sa ville chérie, par ailleurs. Mais c'est un anticonformiste, c'est un, ce que Daniel Laroche appelait un irrégulier de la culture, quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui est cosmopolite, donc voyageur, qui est un francophile jusqu'au bout des doigts et qui est d'une remarquable intelligence et qui est fort d'une solide formation intellectuelle. Ouais. Donc, un homme complet, beaucoup plus qu'un séducteur. Vous parliez de Venise. Le nom de Casanova est associé intimement à cette ville-là. C'est là qu'il naît en 1725. Il y passe toute sa jeunesse, toute son enfance. Parlez-nous de ça. Quel genre d'enfance, quel genre de jeunesse à Casanova? Quelle importance a pour lui Venise? Ben, Venise, d'abord, il a toujours aimé, je le répète, il a toujours aimé Venise, même si on considère Paris, et il disait même que Paris était sa seconde ville d'adoption. Mais Giacomo Casanova, né en 1725, à Venise, d'une famille de comédiens, et non pas d'une grande famille aristocratique, comme on a pu le penser, et comme il a voulu lui-même le faire croire lorsqu'il s'est inventé un autre nom, le Chevalier de Saint-Galt, lorsqu'il avait 35 ans. Donc, rapidement, on détecte chez lui une vive intelligence. Il entreprend des études dès l'âge de 12 ans en droit, en chimie, en mathématiques, en philosophie. Il obtient donc son doctorat de droit canon à 17 ans. Et puis, il entre dans les ordres, ce qui peut étonner, mais il en sortira rapidement. Mais il entre dans les ordres. Il cherche, en fait. Il cherche. Il cherche, et puis c'est un destin. Enfin, quel est le destin approprié pour que je puisse continuer à étudier, pour que je puisse continuer à connaître et avoir une vie convenable? Il va avoir la tonsure, deviendra abbé, mais sera chassé en 1745 et quittera donc la robe pour en attaquer d'autres plus tard, mais en 1745 pour cause de libertinage. Ouais. Et donc, ben, plongeons-y dans ce libertinage. Et revenons quelques minutes au mythe, à ce mythe du séducteur. On l'évoquait au tout début de l'émission. On peut comparer, par exemple, la figure de Casanova à celle d'un Don Juan. Comment, de fait, se comparent les deux figures? Il s'agit d'abord de savoir où est le vrai Don Juan. Qui est le vrai Don Juan? Pour moi, le vrai Don Juan, disons que c'est celui de Molière, avec à ses côtés le Valmont de Laclos et le Lovelace de Richardson. À mon sens, si nous considérons que c'est celui-là, le vrai Don Juan, la différence essentielle avec Casanova, il me semble, c'est que ce Don Juan-là est finalement un ennemi de la société et, plus gravement encore, un ennemi de Dieu, ce qui apparaît notamment dans la pièce de Molière. C'est un homme qui cherche les femmes, bien entendu, ce en quoi il a un rapport étroit avec Casanova, mais qui les cherche essentiellement pour la victoire, pour vaincre quelque chose, pour vaincre tout ce qui entoure cette femme. Ce n'est pas par hasard, je crois, que le Don Juan de Molière et le Valmont de Laclos et le Lovelace s'attaquent à des femmes difficiles, à des dévotes, à des femmes pieuses, parce qu'ils ont besoin de vaincre quelque chose de difficile. À côté de ça, Casanova est un homme qui se contente souvent de victoires beaucoup plus faciles. On le voit payer pour faire l'amour, ce que le vrai Don Juan ne fait jamais. Le vrai Don Juan se sentirait profondément humilié. Casanova est un homme qui ne cherche que le plaisir. Félicien Marceau, auteur du livre « Une liberté insolente » consacré à Casanova, l'émission Documents en 1975. Alors, quel genre de séducteur est donc ce brave Casanova, Pascal Bastien? Casanova, comme tous les séducteurs de papier, en quelque sorte, il s'est mis en scène. Hein. C'est sur ce Casanova qu'on a construit son image. Il est clair, comme on l'a entendu, que Casanova n'est pas un conquérant. Il ne se représente pas comme un conquérant. C'est un gourmand. Oui. Et en ce sens, il est effectivement passionné par les femmes. Il y a quelques suggestions dans l'histoire de sa vie qui pourraient suggérer qu'il est aussi passionné par les hommes, hein, quelques plaisirs sexuels que ce soit, et quelques plaisirs, point. C'est un épicurien, ni plus ni moins. Toute l'histoire de sa vie est une histoire sensuelle, écrite par les sens. La sexualité n'est qu'un véhicule parmi d'autres. Et la raison pour laquelle on a souvent condamner l'autobiographie de Casanova, c'est en raison de ses épisodes grivois, licencieux. Mais si c'est si licencieux, c'est qu'il décrit non seulement son plaisir, mais il décrit aussi le plaisir qu'il cherche à donner à l'autre. C'est dans une relation, pas toujours, hein, mais c'est dans une relation d'échange que l'essentiel de ces récits sensuels sont mis en scène. Ce qui est très moderne et, voire à l'époque, possiblement choquant, mais très, très moderne en tout cas. On est très, très loin de ce Don Juan que décrivait Félicien Marceau. Est-ce qu'il est beau, ce Casanova séducteur? On aimerait bien qu'il soit beau et qu'on puisse comprendre pourquoi autant de femmes tombent à ses pieds. Bon, il y a quelques portraits dans les musées qui nous donnent un visage assez ordinaire. Le prince de Ligne, qui était un bon ami de Casanova, dans ses mémoires, fait une description que je trouve assez amusante. La description est assez longue, mais elle commence en disant « Ce serait un bien bel homme s'il n'était pas laid. » Hein? Donc, il propose un portrait de Casanova qui est assez contradictoire, mais qui fait en sorte que c'est un individu qui a des gestes, qui est d'une élégance extraordinaire, qui n'est pas beau, mais qui, dit-on, a des yeux pétillants. Il a une conversation absolument fantastique. Aucun sujet ne semble lui être étranger. Et puis, par ailleurs, si on regarde son physique, c'est que c'est quelqu'un qui adore la somptuosité. Il a des vêtements brillants, une tabatière en diamant, une montre à gousset en or. Il est poudré. Coquetterie presque féminine. Je disais ça en préparant l'émission. Tout à fait. Et en fait, si on a, parce qu'on aime bien avoir des images, à mes yeux, le plus beau Casanova au cinéma, c'est Marcello Mastroianni dans La Nuit de Vérène, où il est certes vieillissant, mais il a cette élégance féminine qui prête à l'image de l'aristocrate, mais qui prête aussi à l'image du séducteur. Ouais. Donc, séducteur, et ses séductions, elles sont nombreuses, ses conquêtes, elles sont nombreuses, et se trouve dans différentes villes d'Europe. Vraiment, il voyage beaucoup. Très tôt, il va bourlinguer à gauche, à droite, et après être passé par Paris, parce que, je l'ai dit, parce qu'on va y revenir à Paris dans un instant, c'est une ville qui va être importante, vous le signaliez vous-même dans son parcours. Il se retrouve, donc, après une première période à voyager un peu partout en Europe, il se retrouve chez lui, à Venise, pour se retrouver derrière les barreaux. Qu'est-ce qui le conduit donc en prison? Plusieurs prisons, j'allais dire plusieurs prisons ont traversé sa vie, mais en tout cas, il traversera plusieurs prisons dans le cours de sa vie. Donc, la célèbre prison des Plombs à Venise, il y est incarcéré à 31 ans. Casanova écrit deux fois le récit de son séjour en prison et de son évasion, parce qu'il s'évadera. Il rédige et publie un récit autonome en 1787, qui est imprimé, qui circule un peu partout, et qui en France, connaîtra un grand succès, puisqu'on pense à la prison de Plomb comme on pense à la Bastille, déjà. Ouais. Et puis, ça sera réintégré dans l'histoire de sa vie. En fait, il est à la prison de Plomb comme on est à la Bastille, sans toujours savoir pourquoi. Sans doute pour libertinage, sans doute pour escroquerie, peut-être aussi pour franc-maçonnerie. Casanova dit ne pas savoir pourquoi il reste aussi longtemps à la prison des Plombs. Et il y reste 15 mois avant son évasion. Après une première tentative manquée, en essayant de creuser au sol pour se faire un tunnel, il est pris par un gardien et déménagé dans une autre cellule. Et puis ensuite, avec un complice, maladroit, dit-il, il réussira à percer cette fois-ci les toits, et donc à s'évader par les toits de la prison, et rejoindre par la suite, en gondole, comme il le dit si bien, rejoindre la liberté et Paris par la suite. Ouais. Liberté qui a un prix qui est important pour lui quand même, c'est qu'il ne pourra plus revenir à Venise pendant des années, mais donc, après cette évasion, effectivement, se commence, il est déjà allé à Paris, mais à ce moment-là, vraiment, commence sa grande période parisienne. De quoi est faite la vie de Casanova à Paris? Bien, vous le disiez, il a fait plusieurs séjours à Paris. Un premier séjour dans les années 1750, fin de la vingtaine, il apprend. Et il apprend, donc il a déjà un français excellent, mais il apprend les mondanités. Hein. Vous pouvez vous imaginer que dans les grands salons parisiens, il faut connaître les gestes et éviter les impairs pour pouvoir être réinvité par la suite. Cet apprentissage, il le fait au début des années 50, et à son retour, après son évasion à la prison des Plombs, il sait comment agir. Et de cette manière, il est accueilli à Paris par un réseau de puissants particulièrement large, par des francs-maçons également, et donc il fera Paris vers ça, il sera rapidement dans tous les grands cercles de la haute société, mais aussi, puisqu'il ne s'empêche pas aussi d'aller fureter ailleurs, dans les bas-fonds, c'est-à-dire que c'est un homme frontière, c'est quelqu'un qui aime manifestement la bonne nourriture et qui aime le bon vin, mais il connaît Paris pour essayer d'en profiter le plus possible. Et j'insiste là-dessus, le plaisir, pour lui, est une façon de connaître. Hein. Ouais. Il est un homme d'expérience, et le plus grand nombre d'expériences qu'il peut acquérir, c'est évidemment la connaissance qu'il peut élargir. Et homme d'idées aussi. Il côtoie Voltaire, il côtoie des hommes politiques. C'est lui, au fond, qui va être derrière le lancement, l'invention de la loto nationale. Tout à fait. D'abord, quand on regarde le carnet d'adresses de Casanova, c'est absolument impressionnant parce qu'il connaît presque tout le monde. On a l'impression qu'il est un condensé de l'Europe des Lumières, non seulement française, mais de l'ensemble de l'Europe. Il est effectivement l'inventeur de la loto nationale en France. Il essaiera de l'imposer par la suite à Londres. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que Casanova est un homme de lettres, et la première proposition de loterie, c'est une loterie grammaticale, où il espérait que ça fonctionne, ça n'a pas fonctionné, mais il invitait les joueurs à gager sur des syllabes et non pas sur des nombres. Mais finalement, effectivement, pour remplir les coffres de l'État, l'État en difficulté, eh bien, Louis XV appuiera le projet de loterie nationale. On revient au Casanova Bourlingueur. Il quitte Paris et s'engage dans une tournée européenne, en quelque sorte. Les années 1760 sont vraiment des années de cavale pour lui. Il passe d'une capitale à l'autre, d'une conquête amoureuse à l'autre, ce qui nous permet de nous pencher sur le Casanova aventurier et escroc, diraient certains. On l'a reçu pendant une quinzaine d'années, en fait, jusqu'à ce qu'il soit trop connu. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous étions dans une époque qui aidait beaucoup les escrocs et les aventuriers, où la presse n'existait pas, où a fortiori la radio n'existait pas. Alors où un monsieur pouvait escroquer et faire ce qu'il voulait, s'il voulait faire les dupes qu'il voulait, et il fallait plusieurs années pour que ça se répande. Alors si bien qu'il allait de ville en ville, alors il avait des amis bien entendu, ce qui fait qu'il avait des lettres d'introduction un peu partout. Il allait voir les écrivains, il a très bien connu Voltaire, il a très bien connu Crébillon fils, il a très bien connu Rousseau plus tard. Il allait voir les gens, comme il était très brillant et très culotté et très cultivé, il les séduisait d'une certaine manière. Il avait une introduction, il a comme vécu comme ça pendant à peu près une quinzaine d'années, allant de Paris à Berlin, de Berlin à Varsovie, de Varsovie à Moscou. Il a voyagé vraiment partout et rencontrant des rois, rencontrant des ministres, rencontrant des poètes, rencontrant tout le monde, des quoi. Aristocrates, à peu près tout le monde, puisque c'était une époque où parler français d'abord était un passeport. Et ensuite, être brillant était un deuxième passeport. L'écrivain et homme de théâtre Robert Abirached, auteur du livre « Casanova ou la dissipation » à l'émission « Entretien » en 1975. Parlez-nous, Pascal Bastien, de ce Casanova aventurier qui voyage dans toute l'Europe pendant, quoi, une quinzaine d'années? Oui, même un peu davantage si on prend l'ensemble de ces séjours ponctués de retour à Venise ou à Paris. Effectivement, l'Europe, il a parcouru... très longtemps, dans tous les sens, de la Hollande à l'Espagne, de l'Angleterre à la Russie, à la Pologne. Et on peut lire ses mémoires, son autobiographie, comme un guide pratique du voyageur en Europe. Parce que non seulement il parle de ses coucheries, si j'ose dire, et de ses aventures à proprement parler, mais il parle aussi des moyens de transport, de la gastronomie, des mœurs des nations, de l'hôtellerie, des lieux à la mode. Bref, on a un goût de l'Europe d'avant la Révolution, qui est extraordinairement détaillé. L'écrivain que nous entendions tout à l'heure évoquait justement ces deux cartes de visite, donc l'art de la conversation à la française, mais aussi l'ensemble des grands et hauts personnages qu'il a pu rencontrer grâce à tous les liens d'amitié qu'il a réussi à se faire. Il rencontre le pape Clément XIII, l'impératrice de Russie Catherine II, Frédéric II à Sanssouci, Joseph II à Luxembourg. Il vit plusieurs mois dans l'entourage du roi de Pologne, il fréquente la cour de Louis XV, du roi d'Espagne Charles III. Bref, personne ne semble-t-il a rencontré d'aussi hauts personnages. Mais au-delà de pouvoir se dire qu'il a rencontré des gens célèbres, c'est là où le côté escroc peut éventuellement entrer dans l'histoire, c'est que on lui prête toute une série d'escroqueries, notamment à cause de veuves qui se sont laissées charmer et qui ont financé ses frasques. Ça, c'est effectivement clair. Il a aussi un tel savoir qu'il discourt sur la cabale et sur les sciences occultes qui semble laisser ou suggérer le grand succès de Mesmer quelques années plus tard, et ce qui fait qu'on mélange un peu les deux. Ouais. Et puis, il y a... déjà, on est dans ce long fleuve, pas tout à fait tranquille en vous écoutant, mais ça en viendra parfois à carrément un épisode de duel avec un comte en Pologne. C'est vraiment pas un long fleuve tranquille, là, ce long voyage de Casanova. Non, en effet. Le duel ou la prison, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... et c'est le maître mot, on le dit, mais je le répète, la liberté est pour lui... le seul principe possible. La liberté de dire et de médire, puisque c'est un grand calomniateur également, c'est ce qui l'a mené au duel, et c'est sa victoire au duel qui lui a donné d'autres cartes de visite, comme son évasion de prison lui permettait d'être présenté comme un personnage... C'est partie de sa réputation. De sa réputation aura. Extraordinaire. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'entendre un récit de la bouche de Casanova, c'est déjà une victoire pour une journée bien remplie. Ouais. Alors, puisque vous parlez de la façon dont il réussit à rendre ses récits palpitants, on termine justement sur l'écrivain, sur ce Casanova vieillissant qui décide d'écrire ses mémoires dans les dernières années, mais nombreuses dernières années de sa vie. À propos du Casanova écrivain, justement, on écoute à nouveau Félicien Marceau, cette fois l'émission Apostrophe, avec Bernard Pivot en 1983. Et puis c'est étonnant. Un fameux écrivain. Alors vous avez dit aventurier, c'est vrai, on parlera du séducteur bien entendu, mais c'est un écrivain. Et c'est un écrivain. Merveilleux écrivain. C'est la seconde. Une des choses que je que j'ai essayé de souligner dans ce livre, c'est un écrivain. Et d'ailleurs, le paradoxe est là, voilà un homme qui n'est connu, dont le nom n'est arrivé jusqu'à nous que parce qu'il a écrit ses mémoires. Sans ses mémoires, nous ne saurions à peu près rien de lui, parce qu'il n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire. Nous ne le connaissons que par ses mémoires, et personne ne le traite en écrivain. Oui. Il ne figure pas dans les histoires de la littérature. On ne sait pas pourquoi. Alors que je vois dans ces histoires des mémoires qui sont très, très inférieures aux siens. Et puis, il faut dire, Félicien Marceau aussi, il est né à Venise, donc c'est un Italien, dirait-on aujourd'hui, mais il a appris le français vers 18-19 ans, et il a écrit ses mémoires en français. Il a écrit en français, hein, oui. C'est ça qui est étonnant. Oui. Et à 18 ans, il le dit lui-même, lors de son séjour à Rome, c'est le cardinal qui l'a employé, qui lui a donné l'ordre d'apprendre le français. Il n'en connaissait pas un mot à ce moment-là. Ah, c'est intéressant, c'est fascinant ce que nous dit Félicien Marceau dans cet extrait, Pascal Bastien. Il y a au moins deux choses qui se dégagent de cet extrait. On y reviendra dans un instant, mais la valeur littéraire de ce qu'il va produire, la qualité de l'œuvre, de ses fameuses mémoires. Mais au-delà de ça, ce paradoxe formidable que Félicien Marceau met en évidence, on ne le reconnaît pas comme écrivain, alors que s'il n'avait pas écrit, on ne le connaîtrait même pas. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en plus, on continue donc... aujourd'hui, on le découvre, on le redécouvre, mais il a écrit des romans. Il a écrit, je le disais tout à l'heure, sa fuite des prisons de plomb. Il a écrit des traités pour l'égalité des femmes. Il a une œuvre, et en plus, une correspondance extraordinairement fournie. C'est effectivement un homme de plume. Je crois qu'il faut insister sur le fait que ce soit un homme de lettres, en effet. Ces mémoires sont le produit donc de 5000 pages de récits, fabuleusement organisés. Casanova a réuni des notes toute sa vie dans la perspective de pouvoir raconter sa vie lors de son vieil âge. Et lorsqu'il était bibliothécaire en Bohême auprès d'un protecteur, malade et vieillissant, c'est son médecin qui lui dit « Allez, écris, ça te fera du bien. » Je trouve cette anecdote absolument ravissante. Il hésite entre deux projets. Soit c'est l'histoire de sa vie, soit un dictionnaire sur les fromages. Il avait aussi pris des notes toute sa vie sur les fromages en Europe et il décidera. Mais Dieu merci, il décide de raconter sa vie, mais sur le même principe, le plaisir. Oui. Et ça va donner cette œuvre qui, pour vous, a une réelle valeur littéraire? Et là, je suis un historien, donc je suis aussi gourmand que Casanova quand je le lis. D'abord parce que ça se lit extraordinairement bien, parce que c'est effectivement un récit qui raconte, et pour mon propre regard d'historien des Lumières, c'est-à-dire que je me sens accompagné par Casanova dans tous ses voyages. Et c'est ce qui fait que c'est à la fois un livre historique, on sait qu'il se met en scène, mais c'est aussi un extraordinaire voyage mis en mots. Pascal Bastien, merci d'avoir fait le voyage à Casanova avec nous, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.